Marius, livre cinquième. Excellence du malheur. Chapitre 1. Marius indigent. La vie devint sévère pour Marius. Manger ses habits et sa montre, ce n'était rien. Il mangea de cette chose inexprimable qu'on appelle de la vache enragée. Chose horrible qui contient les jours sans pain, les nuits sans sommeil, les soirs sans chandelle, l'âtre sans feu, les semaines sans travail, l'avenir sans espérance, l'habit percé au coude, le vieux chapeau qui fait rire les jeunes filles, la porte qu'on trouve fermée le soir parce qu'on ne paie pas son loyer, l'insolence du portier et du gargotier, les ricanements des voisins, les humiliations, la dignité refoulée, les besognes quelconques acceptées, les dégoûts, l'amertume, l'accablement. Marius apprit comment on dévore tout cela et comment ce sont souvent les seules choses qu'on ait à dévorer. À ce moment de l'existence où l'homme a besoin d'orgueil parce qu'il a besoin d'amour, il se sentit moqué parce qu'il était mal vêtu et ridicule parce qu'il était pauvre. À l'âge où la jeunesse vous gonfle le cœur d'une fierté impériale, il abaissa plus d'une fois ses yeux sur ses bottes trouées et il connut les hontes injustes et les rougeurs poignantes de la misère. Admirable et terrible épreuve dont les faibles sortent infâmes, dont les forts sortent sublimes. Creuser où la destinée jette un homme toutes les fois qu'elle veut avoir un gredin ou un demi-dieu. Car il se fait beaucoup de grandes actions dans les petites luttes. Il y a des bravoures opiniâtres et ignorées qui se défendent pied à pied dans l'ombre contre l'envahissement fatal des nécessités et des turpitudes. Nobles et mystérieux triomphes qu'aucun regard ne voit, qu'aucune renommée ne paie, qu'aucune fanfare ne salue. La vie, le malheur, l'isolement, l'abandon, la pauvreté sont des champs de bataille qui ont leurs héros. Héros obscurs, plus grands parfois que les héros illustres. De fermes et rares natures sont ainsi créées. La misère, presque toujours marâtre, est quelquefois mère. Le dénuement enfante la puissance d'âme et d'esprit. La détresse est nourrice de la fierté. Le malheur est un bon lait pour les magnanimes. Il y eut un moment dans la vie de Marius où il balayait son palier, où il achetait un sou de fromage de brie chez la fruitière, où il attendait que la brune tombât pour s'introduire chez le boulanger et y acheter un pain qu'il emportait furtivement dans son grenier, comme s'il l'eût volé. Quelquefois, on voyait se glisser dans la boucherie du coin, au milieu des cuisinières goguenardes qui le goudoyaient, un jeune homme gauche portant des livres sous son bras, qui avait l'air timide et furieux, qui en entrant ôtait son chapeau de son front où perlait la sueur, faisait un profond salut à la bouchère étonnée, un autre salut au garçon boucher, demandait une côtelette de mouton, la payait 6 ou 7 sous, l'enveloppait de papier, la mettait sous son bras entre 2 livres et s'en allait. C'était Marius. Avec cette côtelette qu'il faisait cuire lui-même, il vivait 3 jours. Le premier jour, il mangeait la viande. Le second jour, il mangeait la graisse. Le troisième jour, il rongeait l'os. À plusieurs reprises, la tante Gillenormand fit des tentatives et lui adressa les 60 pistoles. Marius les renvoya constamment, en disant qu'il n'avait besoin de rien. Il était encore en deuil de son père quand la révolution que nous avons racontée s'était faite en lui. Depuis lors, il n'avait plus quitté les vêtements noirs. Cependant, ses vêtements le quittèrent. Un jour vint où il n'eut plus d'habit. Le pantalon allait encore. Que faire ? Courfeyrac, auquel il avait de son côté rendu quelques bons offices, lui donna un vieil habit. Pour 30 sous, Marius le fit retourner par un portier quelconque, et ce fut un habit neuf. Mais cet habit était vert. Alors Marius ne sortit plus qu'après la chute du jour. Cela faisait que son habit était noir. Voulant toujours être en deuil, il se vêtissait de la nuit. À travers tout cela, il se fit recevoir avocat. Il était censé habiter la chambre de Courfeyrac, qui était décente, et où un certain nombre de bouquins de droit, soutenus et complétés par des volumes de romans dépareillés, figuraient la bibliothèque voulue par les règlements. Il se faisait adresser ses lettres chez Courfeyrac. Quand Marius fut avocat, il en informa son grand-père par une lettre froide, mais pleine de soumission et de respect. Monsieur Gillenormand prit la lettre avec un tremblement, la lut et la jeta, déchirée en quatre, au panier. 2 ou 3 jours après, Mademoiselle Gillenormand entendit son père, qui était seul dans sa chambre et qui parlait tout haut. Cela lui arrivait chaque fois qu'il était très agité. Elle prêta l'oreille, le vieillard disait: « Si tu n'étais pas un imbécile, tu saurais qu'on ne peut pas être à la fois baron et avocat. » Chapitre 2. Marius pauvre. Il en est de la misère comme de tout. Elle arrive à devenir possible. Elle finit par prendre une forme et se composer. On végète, c'est-à-dire on se développe d'une certaine façon chétive, mais suffisante à la vie. Voici de quelle manière l'existence de Marius Pontmercy s'était arrangée. Il était sorti du plus étroit. Le défilé s'élargissait un peu devant lui. À force de labeur, de courage, de persévérance et de volonté, il était parvenu à tirer de son travail environ 700 francs par an. Il avait appris l'allemand et l'anglais. Grâce à Courfeyrac, qu'il avait mis en rapport avec son ami le libraire, Marius remplissait dans la littérature librairie le modeste rôle d'utilité. Il faisait des prospectus, traduisait des journaux, annotait des éditions, compilait des biographies, etc. Produit net, bon an, mal an, 700 francs. Il en vivait. Pas mal. Comment ? Nous l'allons dire. Marius occupait dans la masure Gorbeau, moyennant le prix annuel de 30 francs, un taudis sans cheminée, qualifié cabinet, où il n'y avait en fait de meubles que l'indispensable. Ces meubles étaient à lui. Il donnait 3 francs par mois à la vieille principale locataire pour qu'elle vînt balayer le taudis et lui apportait chaque matin un peu d'eau chaude, un œuf frais et un pain d'un sou. De ce pain et de cet œuf, il déjeunait. Son déjeuner variait de 2 à 4 sous, selon que les œufs étaient chers ou bon marché. À 6 heures du soir, il descendait rue Saint-Jacques, dînait chez Rousseau, vis-à-vis Basset, le marchand d'estampes du coin de la rue des Mathurins. Il ne mangeait pas de soupe. Il prenait un plat de viande de 6 sous, un demi-plat de légumes de 3 sous et un dessert de 3 sous. Pour 3 sous, du pain à discrétion. Quant au vin, il buvait de l'eau. En payant au comptoir, où siégeait majestueusement Madame Rousseau, à cette époque, toujours grasse et encore fraîche, il donnait un sou au garçon, et Madame Rousseau lui donnait un sourire. Puis il s'en allait. Pour 16 sous, il avait eu un sourire et un dîner. Ce restaurant Rousseau, où l'on vidait si peu de bouteilles et tant de carafes, était un calmant plus encore qu'un restaurant. Il n'existe plus aujourd'hui. Le maître avait un beau surnom. On l'appelait Rousseau l'Aquatique. Ainsi, déjeuner 4 sous, dîner 16 sous, sa nourriture lui coûtait 20 sous par jour, ce qui faisait 365 francs par an. Ajoutez les 30 francs de loyer et les 36 francs à la vieille, plus quelques menus frais, pour 450 francs, Marius était nourri, logé et servi. Son habillement lui coûtait 100 francs, son linge 50 francs, son blanchissage 50 francs. Le tout ne dépassait pas 650 francs. Il lui restait 50 francs. Il était riche. Il prêtait dans l'occasion 10 francs à un ami. Courfeyrac avait pu lui emprunter une fois 60 francs. Quant au chauffage, n'ayant pas de cheminée, Marius l'avait simplifié. Marius avait toujours 2 habillements complets, l'un vieux pour tous les jours, l'autre neuf pour les occasions. Les 2 étaient noirs. Il n'avait que 3 chemises, l'une sur lui, l'autre dans sa commode, la 3e chez la blanchisseuse. Il les renouvelait à mesure qu'elles s'usaient. Elles étaient habituellement déchirées, ce qui lui faisait boutonner son habit jusqu'au menton. Pour que Marius en vînt à cette situation florissante, il avait fallu des années. Années rudes, difficiles, les unes à traverser, les autres à gravir. Marius n'avait point failli un seul jour. Il avait tout subi, en fait de dénuement. Il avait tout fait, excepté des dettes. Il se rendait ce témoignage que jamais il n'avait dû un sou à personne. Pour lui, une dette, c'était le commencement de l'esclavage. Il se disait même qu'un créancier est pire qu'un maître. Car un maître ne possède que votre personne, un créancier possède votre dignité et peut la souffleter. Plutôt que d'emprunter, il ne mangeait pas. Il avait eu beaucoup de jours de jeûne. Sentant que toutes les extrémités se touchent et que, si l'on y prend garde, l'abaissement de fortune peut mener à la bassesse d'âme, il veillait jalousement sur sa fierté. Telle formule ou telle démarche, qui dans toute autre situation lui eût paru déférence, lui semblait platitude et il se redressait. Il ne hasardait rien, ne voulant pas reculer. Il avait sur le visage une sorte de rougeur sévère. Il était timide jusqu'à l'âpreté. Dans toutes ces épreuves, il se sentait encouragé et quelquefois même porté par une force secrète qu'il avait en lui. L'âme aide le corps et à de certains moments le soulève. C'est le seul oiseau qui soutienne sa cage. À côté du nom de son père, un autre nom était gravé dans le cœur de Marius, le nom de Thénardier. Marius, dans sa nature enthousiaste et grave, environnait d'une sorte d'auréole l'homme auquel, dans sa pensée, il devait la vie de son père, cet intrépide sergent qui avait sauvé le colonel au milieu des boulets et des balles de Waterloo. Il ne séparait jamais le souvenir de cet homme du souvenir de son père. Et il les associait dans sa vénération. C'était une sorte de culte à 2 degrés. Le grand autel pour le colonel, le petit pour Thénardier. Ce qui redoublait l'attendrissement de sa reconnaissance, c'était l'idée de l'infortune où il savait Thénardier tomber et englouti. Marius avait appris à Montfermeil la ruine et la faillite du malheureux aubergiste. Depuis, il avait fait des efforts inouïs pour saisir sa trace et tâcher d'arriver à lui dans ce ténébreux abîme de la misère où Thénardier avait disparu. Marius avait battu tout le pays. Il était allé à Chelles, à Bondy, à Gournay, à Nogent, à Lagny. Pendant 3 années, il s'y était acharné, dépensant à ses explorations le peu d'argent qu'il épargnait. Personne n'avait pu lui donner de nouvelles de Thénardier. On le croyait passé en pays étranger. Ses créanciers l'avaient cherché aussi, avec moins d'amour que Marius, mais avec autant d'acharnement, et n'avaient pu mettre la main sur lui. Marius s'accusait, et s'en voulait presque de ne pas réussir dans ses recherches. C'était la seule dette que lui eût laissée le colonel, et Marius tenait à honneur de la payer. «

que les élèves des écoles de droit et de médecine devaient se réunir sur la place du Panthéon à midi pour délibérer. Il s'agissait d'une des questions du moment, de l'artillerie de la garde nationale et d'un conflit entre le ministre de la guerre et la milice citoyenne au sujet des canons parqués dans la cour du Louvre. Les étudiants devaient délibérer là-dessus. Il n'en fallait pas beaucoup plus pour gonfler M. Gillenormand. Il songea à Marius, qui était étudiant, et qui, probablement, irait, comme les autres, délibérer à midi sur la place du Panthéon. Comme il faisait ce songe pénible, le lieutenant Théodule entra, vêtu en bourgeois, ce qui était habile, et discrètement introduit par Mademoiselle Gillenormand. Le lancier avait fait ce raisonnement. Le vieux druide n'a pas tout placé en viager. Cela vaut bien qu'on se déguise en Pékin de temps en temps. Mademoiselle Gillenormand dit haut à son père : Théodule, votre petit-neveu. Et bas au lieutenant : approuve tout. Et se retira. Le lieutenant, peu accoutumé à des rencontres si vénérables, balbutia avec quelque timidité : bonjour, mon oncle. Et fit un salut mixte, composé de l'ébauche involontaire et machinale du salut militaire, achevé en salut bourgeois. Ah, c'est vous. C'est bien, asseyez-vous, dit l'aïeul. Cela dit, il oublia parfaitement le lancier. Théodule s'assit et M. Gillenormand se leva. M. Gillenormand se mit à marcher de long en large, les mains dans ses poches, parlant tout haut, et tourmentant avec ses vieux doigts irrités les deux montres qu'il avait dans ses deux goussets. « Ce tas de morveux, ça se convoque sur la place du Panthéon. Vertu de ma vie, des galopins qui étaient hier en nourrice, si on leur pressait le nez, il en sortirait du lait. Et ça délibère demain à midi. Où va-t-on? Où va-t-on? Il est clair qu'on va à l'abîme. C'est là que nous ont conduits les descamisados. » L'artillerie citoyenne, délibérer sur l'artillerie citoyenne, s'en aller jaboter en plein air sur les pétarades de la garde nationale. Et avec qui vont-ils se trouver là? Voyez un peu où mène le jacobinisme. Je parie tout ce qu'on voudra, un million contre un fichtre, qu'il n'y aura là que des repris de justice et des forçats libérés. Les républicains et les galériens, ça ne fait qu'un nez et qu'un mouchoir. Carnot disait: « Où veux-tu que j'aille, traître ?» Fouché répondait « Où tu voudras, imbécile ? » Voilà ce que c'est que les républicains. « C'est juste, » dit Théodule. M. Gillenormand tourna la tête à demi, vit Théodule et continua. « Quand on pense que ce drôle a eu la scélératesse de se faire carbonaro, pourquoi as-tu quitté ma maison pour t'aller faire républicain ? Psst. D'abord, le peuple n'en veut pas de ta république. Il n'en veut pas. Il a du bon sens. Il sait bien qu'il y a toujours eu des rois et qu'il y en aura toujours. Il sait bien que le peuple, après tout, ce n'est que le peuple. Il s'en burle de ta république. Entends-tu, crétin? Et ça, c'est horrible, ce caprice-là. S'amouracher du père Duchesne, faire les yeux doux à la guillotine, chanter des romances et jouer de la guitare sous le balcon de 93. C'est à cracher sur tous ces jeunes gens-là, tant ils sont bêtes. Ils en sont tous là. Pas un n'échappe. Il suffit de respirer l'air qui passe dans la rue pour être insensé. Le 19e siècle est du poison. Le premier polisson venu laisse pousser sa barbe de bouc, se croit un drôle pour de vrai, et vous plante là les vieux parents. C'est républicain, c'est romantique. Qu'est-ce que c'est que ça, romantique ? Faites-moi l'amitié de me dire ce que c'est que ça. Toutes les folies possibles. Il y a un an, ça vous allait à Hernani. Je vous demande un peu. Hernani. Des antithèses, des abominations qui ne sont pas même écrites en français. Et puis, on a des canons dans la cour du Louvre. Tels sont les brigandages de ce temps-ci. Vous avez raison, mon oncle, dit Théodule. Monsieur Gillenormand reprit. Des canons dans la cour du muséum. Pourquoi faire? Canon, que me veux-tu? Vous voulez donc mitrailler l'Apollon du Belvédère? Qu'est-ce que les gargous sont à faire avec la Vénus de Médicis? Oh, ces jeunes gens d'à présent, tous des chenapans! Quel pas grand-chose que leur Benjamin Constant! Et ceux qui ne sont pas des scélérats sont des dadais! Ils font tout ce qu'ils peuvent pour être laids. Ils sont mal habillés, ils ont peur des femmes. Ils ont autour des cotillons un air de mendier qui fait éclater de rire les jeannetons. Ma parole d'honneur, on dirait les pauvres honteux de l'amour. Ils sont difformes et ils se complètent en étant stupides. Ils répètent les calembours de Tiercelin et de Potier. Ils ont des habits sacs, des gilets de palefrenier, des chemises de grosse toile, des pantalons de gros drap, des bottes de gros cuir, et le ramage ressemble au plumage. On pourrait se servir de leur jargon pour ressembler leurs savates. Et toute cette inepte marmaille vous a des opinions politiques. Il devrait être sévèrement défendu d'avoir des opinions politiques. Ils fabriquent des systèmes, ils refont la société, ils démolissent la monarchie, ils flanquent par terre toutes les lois, ils mettent le grenier à la place de la cave et mon portier à la place du roi. Ils bousculent l'Europe de fond en comble, ils rebâtissent le monde, et ils ont pour bonne fortune de regarder sournoisement les jambes des blanchisseuses qui remontent dans leur charrette. Ah, Marius, ah, Gueusard, allez vociférer en place publique, discutez. Débattre, prendre des mesures. Ils appellent cela des mesures, juste Dieu. Le désordre se rapetisse et devient niais. J'ai vu le chaos, je vois le gâchis. Des écoliers délibérés sur la garde nationale, cela ne se verrait pas chez les Ojibwas et chez les Cadodaches. Les sauvages qui vont tout nus, la caboche coiffée comme un volant de raquette, avec une massue à la patte, sont moins brutes que ces bacheliers-là. Des marmousés de 4 sous, ça fait les entendus et les jordonne, ça délibère et ratiocine. C'est la fin du monde. C'est évidemment la fin de ce misérable globe détraqué. Il fallait un hoquet final, la France le pousse. Délibéré, mais drôle. Ces choses-là arriveront tant qu'ils iront lire les journaux sous les arcades de l'Odéon. Cela leur coûte un sou, et leur bon sens, et leur intelligence, et leur cœur, et leur âme, et leur esprit. On sort de là et l'on fiche le camp de chez sa famille. Tous les journaux sont de la peste, tous, même le drapeau blanc. Au fond, Martainville était un jacobin. Ah, juste ciel, tu pourras te vanter d'avoir désespéré ton grand-père, toi. C'est évident, dit Théodule. Et profitant de ce que M. Gillenormand reprenait haleine, le lancier ajouta magistralement « Il ne devrait pas y avoir d'autre journal que le Moniteur et d'autres livres que l'annuaire militaire. » M. Gillenormand poursuivit « C'est comme leur sieyès, un régicide aboutissant à un sénateur. Car c'est toujours par là qu'ils finissent. On se balafre avec le tutoiement citoyen pour arriver à se faire dire « Monsieur le comte ».« Monsieur le comte, gros comme le bras !» des assommeurs de septembre. Le philosophe Seyès. Je me rends cette justice que je n'ai jamais fait plus de cas des philosophies de tous ces philosophes-là que des lunettes du grimacier de Tivoli. J'ai vu un jour les sénateurs passer sur le quai Malaquais, en manteau de velours violet, semé d'abeilles, avec des chapeaux à la Henri IV. Ils étaient hideux. On eût dit les singes de la cour du tigre. Citoyens, je vous déclare que votre progrès est une folie, que votre humanité est un rêve, que votre révolution est un crime, que votre république est un monstre, que votre jeune France pucelle sort du lupanar. Et je vous le soutiens à tous, qui que vous soyez, fussiez-vous publiciste, fussiez-vous économiste, fussiez-vous légiste, fussiez-vous plus connaisseur en liberté, en égalité et en fraternité que le couperet de la guillotine. Je vous signifie cela, mes bons hommes. Parbleu ! Cria le lieutenant. Voilà qui est admirablement vrai. M. Gillenormand interrompit un geste qu'il avait commencé, se retourna, regarda fixement le lancier Théodule entre les deux yeux et lui dit Vous êtes un imbécile.